Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop aujourd'hui, Jean-Marie Bigard. Après 7 années passées en prison, Mario est libre. N'ayant pas complètement réglé ses affaires avec le milieu, il demande à la seule personne de confiance qu'il connaisse, son frère Patrick, de lui trouver une planque pour se mettre au vert quelque temps. Patrick, curé de son état, lui suggère de rejoindre le père Étienne dans son petit village de l'Ardèche. Allez, dans la paix du Christ. Paroisse Saint-Sauveur, j'écoute. Ah ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis sorti ce matin. Remise de peine pour bonne conduite. Oh, alors, en tout cas, tu peux pas rester ici. Hein. Faut que je me planque une dizaine de jours, histoire que les choses se calment. J'ai bien une idée, mais je suis pas sûr qu'elle te plaise. C'est pas une idée, ça. C'est une connerie. Le père Étienne viendra te chercher à la gare. Et puis tu verras l'Ardèche en cette saison. Hein. C'est magnifique. Et puis comme planque, y a pas mieux. Hein. Bienvenue à Bâle, mon père. En tant que maire du village, je vous souhaite la bienvenue, mon père. À la santé du père Mario. Si vous avez besoin de cierges, de l'encens... Et c'est sympa, me fera la fête plus tard, ok? Le voyage s'est bien passé? Le voyage, oui, mais l'arrivée, moins. Toi. Y a ma lampe allumée. Il répète depuis ce matin, vous savez. Ah, quand même. Il me prenne pour le Messie. J'ai besoin de votre aide, confessez-moi, mon père. Alors, maximum un péché par personne, c'est clair? Il finira Rome, celui-là. Le missionnaire, une comédie avec Jean-Marie Bigard, un DVD, Fox Pathé Europa.